Tout le monde va bien? Merci pour la prochaine aussi, j'ai besoin de votre aide. Et Fred Chapelier au chant et à la guitare. Ça se passe comme ça au Blues Café Live. Merci beaucoup les amis. One, two, time to party, three, time to party. Four. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Blues Café Live en public. C'est une soirée exceptionnelle ce soir, mesdames, messieurs, puisque le Blues Café Live fête ce soir sa 100e édition. Et pour l'occasion, nous avons réuni un plateau tout à fait exceptionnel. On a rappelé un ami du Blues Café, il est venu déjà deux fois, c'est la troisième fois qu'il vient dans le Blues Café. On l'a appelé et on lui a dit « Est-ce que tu peux pas nous trouver pour cette 100e une invitée vraiment exceptionnelle ?» Il a dit « Oui, j'ai ce qu'il vous faut. » Madame Sweet Georgia Brown, Francis. Sweet Georgia Brown qui vient de New York City, Harlem. Mais en attendant, Sweet Georgia Brown, j'annonce sur le plateau du Blues Café, Antonella Mazza, la contrebasse. L'incroyable Jimmy Montou à la batterie. Oscar Marcioli au clavier. And the greatest Manu Lambin. Et Sweet Georgia Brown au chant, elle nous vient des États-Unis pour vous ce soir. You are ready? Are you ready? Are you ready? Yeah! Not yet, not yet. I'll do anything! I said I'll do anything. I'll get down on my knees if you want me to. Anything, anything, anything, anything. You got me running, you got me running. You got me running, hiding, running, hiding. Anything you want, baby. Oh, I'm gonna give it to you, give it to you. Anything, anything, Lord, I'm gonna give it to you. You got me running, you got me hiding. You got me running, hiding, hiding, running. Oh, baby, baby, put your hand together, y'all. Baby, baby. Anything, anything, Lord, Lord, I'm gonna give it to you. my goodness. I said scream. I said scream. Oh shit. Excuse me. Scream. Ah! I'll do this one more time. Baby, rock me, baby, rock me all night long. Rock me, baby. Come on and rock me, baby, rock me all night long. Georgia Brown et la victoire. Sweet Georgia Brown, oui. Sweet Georgia Brown est l'invité exceptionnel de la centième du Blues Café avec Manu Lanvin and the Devil Blues. How y'all feeling, all right? Hey, you know English, bro. You know English. I got me a man way over there. So good to me. Be a man, way over town, so doggone good to me. He does it good, like he should. He does it right every night. Oh, I got me a man. Well, I got a woman way over town. She's good to me. Oh yeah. Well, I got a woman. Way out of town, she's good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Well, she's my baby, so tenderly. When I got a woman, way out of town, she's good to me. Oh yeah. way over town, so good to me. Lord, I got me a man way over town, so doggone good to me. He treats me right, like a good man should. He does it good, and I'll do it good for you, baby. I love it, I love it. Well, I got a woman, and I got a sweet man. Sweet as you. Sweet as you. I don't need no cream or sugar, cause I got you. I don't need no peanut butter and jelly, cause I got you. Way over town. Oh, tell me. So doggone. So doggone Gucci. So doggone. So. So. So. So. Good to me. Sweet Georgia Brown est l'invité exceptionnel du Blues Café Live. On va demander à Manu Lanvin de venir nous rejoindre ici dans le studio du Blues Café, qui est ici aménagé dans le Millennium de l'île d'Abo. On vous rappelle que cette émission est enregistrée en public. Manu, bonsoir, bienvenue dans le Blues Café. S'il y avait une personne avec qui on avait envie de fêter cette centième, c'était avec toi. C'est déjà un honneur pour moi, je ne savais pas que c'était la centième. Comme je dis souvent, heureusement qu'il y a des irréductibles comme vous tous et comme des gens comme vous. Moi, vous m'avez beaucoup aidé. Vous savez, à l'époque, j'avais un album, Mauvais Casting. J'étais un peu perdu sur cette route et vous avez su quand même dessiner un chemin pour moi. Donc, je tiens vraiment à remercier ces deux gugus là ici, qui sont pour moi des frères pour moi aujourd'hui, Francis Rattreau et Seth Dick Vernet, pour toute leur énergie, l'amour et la passion qu'ils mettent dans cette musique. Merci. Tu vois, on est deux irréductibles gaulois. Tu as devant toi Obélix et Astérix. Manu, la première fois que tu es venu ici dans le Blues Café, tu nous as longuement parlé de ta rencontre avec Calvin Russell. La deuxième fois, tu es venu nous parler de ta rencontre avec Neil Black. Cette fois, tu viens avec Sweet Georgia Brown. On sent que tu aimes les rencontres. Et peut-être pour toi, le Frenchie qui joue du blues, celle qui te permet d'aller vraiment à l'origine, aux racines du blues. Ben oui, de toute façon, ce chemin n'en est fait que de rencontres. On fait tellement de kilomètres, on se retrouve qu'avec des passionnés et des gens donc passionnants. Moi, Sweet Georgia Brown, j'ai eu la chance de la rencontrer... Lorsque Quincy Jones m'a ramené à New York pour ces événements de la Jazz Foundation of America, c'est une fondation qui aide les musiciens, ces musiciens de talent qui ont des noms sur des grands albums, des grands vinyles, et qui malheureusement n'ont pas les mêmes droits sociaux qu'ici. Et cette fondation-là est pour les aider. Il y a des événements vraiment magnifiques, très prestigieux qu'on a chaque année. J'ai eu cette chance énorme quand Quincy Jones m'a dit « t'aimerais venir jouer à New York ?» Je lui ai dit « écoute, je sais pas, est-ce que j'ai un petit concert du côté de Roubaix qui pourrait être mieux ?» Mais bon, j'ai dû malheureusement céder à l'invitation. Et j'ai rencontré cette formidable, mais c'est, vous savez qu'elle est à New York, tout le monde connaît Sweet Georgia Brown. C'est l'esprit de West Village. C'est des gens qui sont plus que des chanteurs. Déjà, c'est une âme extraordinaire et c'est surtout des performeurs et des entertainers. Et elle a fait tous les clubs de West Village où il n'y a pas une personne qui s'intéresse à la musique à New York qui ne connaisse pas Sweet Georgia Brown. Elle m'a appelé avec sa petite voix douce. Votre téléphone, elle a une voix douce. Hein. Elle m'a dit, dis-moi, Manu, j'aimerais bien faire un morceau avec toi. J'ai dit, écoute, on se connaît pas tant que ça, même si on avait jamais un peu ensemble, on avait fait le bœuf. Je lui ai dit, écoute, moi, ce que je te propose en septembre, histoire de m'aérer un peu la tête, je t'invite. Je t'envoie deux billets d'avion, toi et ta fille, vous venez passer une semaine avec nous, on vous embarque dans le van. Bon, on n'a pas pu embarquer tout le monde dans le van, mais elle nous suit sur la route et c'est super, c'est génial. C'est vrai que Georgia Brown est venue avec sa fille qui s'appelle Najma, voilà. Naj, pour les intimes. Voilà, où tu es déjà intime? Je suis déjà intime, je l'appelle Naj. Francis, c'est vite intime. Méfiez-vous dans le public d'ailleurs, parce que voilà. Montreux est en tout cas une date vraiment importante, c'est un lieu important. D'ailleurs, on en profite pour remercier les Suisses qui sont dans cette salle, puisqu'ils sont nombreux à venir. Ouais. C'est vraiment là où ça s'est passé, en tout cas, cette rencontre. Mais je pense que Sweet Georgia Brown pourra mieux vous en parler, vous. Clonob, c'était un monsieur extraordinaire, car il avait ce talent, Clone Knobs, I'm talking about Clone Knobs, il avait ce talent pour mélanger les genres. Moi, quand Quincy Jones m'a dit ça te dirait de jouer pour mon after show, j'ai cru une blague, je dis, moi avec mon blues de punk, qu'est-ce que je vais leur apprendre à ces mecs? Et en fait, Clone Knobs, il avait cette intelligence-là de mélanger des gens du rock, des courants indie, du jazz, de la musique classique. Et il y avait des boeufs interminables. Nous, on a jusqu'à 6h du matin, je me rappelle. Il avait ce talent-là pour mélanger les gens. Et c'est ce qu'a fait l'âme de Montreux Jazz Festival. Et je pense que si en Suisse, il y a vraiment une culture de festival, c'est vraiment grâce à ce mec-là, quoi, qui a mélangé et ramené des gens du monde entier. Et que des grands noms, en plus. Alors, on aura l'occasion tout à l'heure, bien sûr, de parler avec Sweet Georgia Brown. Mais revenons un instant sur toi, parce que tu fais des choses multiples, Manu. Et notamment, en ce moment, tu fais la tournée de Johnny Hallyday. C'est-à-dire que tu ouvres pour Johnny Hallyday pour, je crois, 19 dates, hein, si j'ai bonne mémoire. Ouais, un truc comme ça. Ouais. C'est un peu improbable. Là. Les gens disent, mais oui, c'est quoi, quoi, m'en fous, hein. Il faut savoir que j'avais ouvert pour Hallyday en 2000, il y a très longtemps. C'était plus un consensus maison de disques qui monte le coup. Là, il est venu vraiment à un concert. Hein. Antonella et Jimmy peuvent témoigner parce qu'il m'accompagnait déjà à ce moment-là. Et puis, il est monté sur scène et il a dit « Tu fais beaucoup de dates l'année prochaine ?» Bon, en ce moment, vous savez que le David Blue, ça tourne sacrément. On connaît les stations-service par cœur. Je pense qu'on est bientôt incollables en carte de France. Mais vraiment, on vous met tous à l'amende dans les départements. Il n'empêche que, il m'a juste dit « Je te propose d'en avoir, bah, tu vas en rajouter 20 de plus parce que tu vas venir ouvrir pour moi. » Alors vous savez, dans ce genre de métier, je vais le dire, il y a beaucoup de gens qui parlent. En tout cas, j'entends dans le show business. Nous, on n'est pas du show business. Nous, on est des artisans. Vous êtes des artisans, vous êtes des passionnés. Nous, on fait juste de la musique pour donner de l'amour aux autres. Et s'ils nous retournent ce truc-là, on a l'impression d'avoir fait quelque chose de bien pendant une heure et demie, deux heures de concert. Mais dans le show business, c'est plus particulier. Moi, ces gens ne m'intéressent pas, je ne les côtoie pas, je ne les drague pas, je ne vais pas dans les soirées, les trucs. Mais il n'empêche que Johnny Hallyday, il a mon respect parce qu'il l'a dit et il l'a fait. Et pour moi, cette parole-là, elle est très très importante, parce que elle est très importante. Voilà, j'ai été élevé comme ça, et je reconnais ça chez lui. Est-ce que tu retrouves justement sur la tournée de Johnny Hallyday l'authenticité de ta propre musique ? Il a les nerfs de pas vouloir revenir à cette musique-là. Et j'entendais une interview il y a peu le temps de lui, où il disait, il fait plein de old school. Il faut écouter quand même les premiers albums d'Hallyday. Je suis sûr que vous les connaissez tous. Je sais qu'il y a des fans dans la salle en plus. Mais les premiers albums, ils sont super bien produits. C'est de la bombe atomique. Ça sonne comme on aimerait, nous, aujourd'hui, que notre musique sonne. Les couleurs des années 50, il y avait des musiciens incroyables, il allait les chercher. Il a joué d'ailleurs avec les plus grands, avec Jimmy Page, Hendrix a ouvert pour lui, Peter Frampton a joué avec Hallyday. Il avait un vrai amour de ça. Puis après, l'histoire l'a emmené vers autre chose. Et il y revient parce que les moments où je le trouve vraiment gracieux et dans son exactitude lorsque je le vois sur scène et en toute objectivité, je le trouve très brillant quand il revisite les trucs des années 50, des années 60, parce qu'il le faisait très bien à l'époque. Et aujourd'hui, avec l'âge, le grain de voix qu'il a, c'est vraiment bien. Donc en tout cas, respect pour la parole. Moi, j'aime les gens quand ils ont une parole. Après, la musique, c'est plus qu'un détail. Voilà. Une parole, en tout cas, on peut dire que tu l'as, Manu. Donc merci en tout cas d'être venu avec nous ce soir. Et on va te proposer de rejoindre suite Georgia Brown qui t'attend sur scène. Parce que rien de mieux que le live dans cette émission, vous êtes d'accord ? Manu Lanvin and the Devil Blues avec Sweet Georgia Brown. Heaven, please, for all mankind, understanding and a peace of mind. If it's not asking too much, please send me someone to love. Show the world we all can get along. Peace will enter when hate is gone. If it's not asking too much, please send me someone to love. Yes, someone to love. sitting home, pondering world's troubles. The answer is always the same. If you don't stop all this hate and sorrow, the devil's gonna come down and set the world ablaze. Ain't that a shame? Just because, Lord, I'm in misery. I ain't begging, no, no, for no sympathy. On home to me. Oh yes, oh sitting home, pondering world's troubles. The answer is always the same. If you don't stop all this misery and strife, the devil will come down, set the world, set the world aflame. George Brown. Vous écoutez bien le Blues Café Live avec ce soir Sweet Georgia Brown. Elle est accompagnée de Manu Lanvin and the Devil Blues. How y'all like that? How did you like it? And make you cry. Woo! your steamroller, baby. I got work for you to do. I'm your steamroller, baby. I got work for you to do. I want you to come on up to my bedroom. I want you to lay a little pipe in there too. Just wanna blow some of the hot steam on you. Steamroller, just wanna blow some of this hot steam on you. I'm your steamroller, baby. I wanna blow, coming this hot steam on you. Go ahead, y'all, go ahead. Yeah. How many of you know what a steamroller is? What I do is roll all over you. In the nighttime, in the morning, for breakfast too, roll over you. I got what you want, baby. I got what you need, baby. I want you to come on to me, baby. Come on to me, baby. Come on. Oh, steamroller. I'm the steamroller. just wanna blow a little hot steam on you. Sweet Georgia Brown, elle est accompagnée de Manu Lanvin and the Blues Devil. Merci beaucoup d'être avec nous, on est ici au Millennium de l'île d'Abo. C'est la centième et pour cette centième, on a un ami, on vous l'avait dit. Une surprise, vraiment une surprise parce que même nous, on s'y attendait pas. C'est monsieur Ahmed Mouissi qui nous a fait le plaisir d'être là ce soir. Bonsoir tout le monde. On est très heureux que tu nous aies fait cette surprise de venir parce que Ahmed et le Blues Café, c'est une, je vais pas dire longue histoire, mais en tout cas une belle histoire. Oui. Une belle histoire qui s'est conclue là pendant l'été par un disque, ton premier disque avec Ahmed and the Golden Moment. C'est ça. On va pas rappeler que tu as fait partie de la belle aventure de Powow et des 10 commandements, voilà, on l'a déjà dit. Les gens qui n'ont pas écouté le podcast peuvent encore le faire. Donc un live au Blues Café. Exactement, on avait passé une super soirée ici. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là ce soir-là. Et en fait, on voulait une sorte de carte de visite. On voulait un CD qui permette d'ouvrir non seulement des portes, les réseaux, tous les festivals blues, rock'n'roll. Et tu m'as gentiment, avec Francis... parler de la possibilité de faire ce CD qu'on pouvait appeler le Ahmed and the Golden Moments at the Blues Café Live, donc avec votre logo et tout ça, et on en a tiré 500 exemplaires qui, là il y a un mois, d'ailleurs quand je suis venu chanter avec Miss Nikki, exactement, il n'était pas encore là à la Blues Party, oui, à la Blues Party, le CD n'était pas encore là, et voilà, les 500 sont écoulés, donc on en represse, donc je vous dis merci. Donc ça t'a ouvert des portes, ça a marché. Bah disons que là c'était que sur des concerts et dans deux petits magasins à Chambéry, enfin deux magasins tout court. Et donc voilà, ça c'est vraiment, on a un super accueil, une belle surprise, donc on va represser, voilà, si un retirage. Ahmed and the Golden Moment, vous pouvez le retrouver sur sa page Facebook. C'est et ça. Un petit message et privé, un site officiel. Je pense qu'on peut, et le site officiel, et on peut acheter le disque. Quand il sera repressé, du coup. Très vite, dans les 15 jours qui viennent. C'est un vrai citron, ce disque. Faut ouais, le presser, faut presser, pour represser. Voilà. Merci beaucoup, Ahmed, merci, d'être venu. Merci à vous. Pour la centième. Bonne soirée, bonne centième. Bon concert. Je crois que Francis est aux côtés de Sweet Georgia Brown. Georgia Brown, qui vient de nous interpréter plusieurs morceaux en chantant avec cette voix du blues, finalement. Georgia Brown qui a entamé une carrière dès l'âge de 15 ans. Mais dans toute sa carrière, il y a une date quand même très importante pour elle. C'est en 2009, lorsque Georgia Brown a été au immense festival en Suisse, le Montreux Blues Festival. Et Montreux Jazz Festival, mais ça, c'est le blues, que veux-tu ? On a toujours envie qu'il y ait du blues partout. En tout cas, un festival à Montreux qui t'a permis, Georgia, de croiser le fer, de jouer avec B.B. King. J'imagine un très grand souvenir. Est-ce que tu peux nous en parler ? Unbelievable. Unbelievable. B.B. King saw me backstage with Quincy Jones. And he says, I see sweet Georgia out there. Georgia, come here. Okay. So I went over to him. He said, sit down. He said, you want to sing a song? I said, yeah. He said, what key do you want to sing it in? He said, oh, okay. Oh, I see Grace Jones over there. Grace, come on over here. Sit down. You want to sing a song? She said, yes. He said, what key? G for Grace. Really? And then we jammed. Every day I sing the blues. And it was absolutely awesome. I love that man. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est comme dans tous les grands festivals, il y a une partie énorme qui se joue backstage. Et finalement, c'est l'endroit des rencontres. Et pour le coup, c'était une rencontre avec Quincy Jones qui lui a proposé d'interpréter une chanson. And she il a appelé Grace Jones et lui a dit she came que... out. And he said, what key? Ah, dans quelle tonalité? G. On parle de Georgia, on parle de B.B. King qui nous a quittés le 14 mai dernier, comme tout le monde le sait. Pour toi, qu'est-ce qui reste de son héritage, B.B. King? What still inspires you? Blues, le blues, blues, évidemment. Passionate blues. Le blues passionné. When you're hungry, when you cry, when you're broke. Quand on est affamé, quand on pleure, quand when on est... When you got money. quand on n'a plus d'argent. All of that is blues. Tout ça, c'est le blues. We live in the blues. Say yeah. Et on vit say le blues. Say yeah. Say yeah. Yeah. L'ambiance est folle ce soir dans le Blues Café. Georgia, vous avez toujours dit qu'il fallait jouer le blues en le modernisant. Est-ce que aujourd'hui vous trouvez que la nouvelle génération du blues modernise suffisamment le blues? Et deux mots sur Manu Lanvin et son équipe. Est-ce que pour vous, ils font partie de cette nouvelle génération du blues? They try. Ils essayent. They try. There was only one B.B. King. Am I right? And now there's only one Sweet George Brown. On a parlé de B.B. King, Georgia. Je crois qu'il y a une autre femme du blues qui vous a beaucoup inspiré. C'est Etta James. Oh, yes, she was. She was a very big influence on me. Matter of fact, when I met her, and privately, she gave me a lot of things to think about. She said that blues is not supposed to be sung. Sang the blues. I loved her also, you know. Etta lui a dit, il ne faut pas chanter le blues, il faut chanter le blues. I did my best, I'm sorry. Voilà, on remercie Laure Gontier qui est notre traductrice ce soir et qui est également la directrice du service culturel du Millennium de l'île d'Abo. Place au live avec Manu Lanvin and the Devil Blues and the Sweet Georgia Brown, the last Red Hot Mama. All right, in here, come on, clap your hands. All night long, you make me sweat till we see the sunset. We just have to say. But honey, don't make me sit, please. I like the way you move your hips. I like the way but you honey, don't make me sit, please. Go ahead, Georgia. The way you hold my breath. Oh, yeah. I like the way you kiss me. I like the way you do me. Drive me crazy. Baby, all night long. Do it to me, baby. All night long. There's a train coming, picking up passengers, cross to cross. Don't need no ticket, don't need no luggage. All you gotta do is just get aboard. Get ready, there's a train for Jordan, picking up passengers from coast to coast. Faith is a key, open up the doors and board them. There's room for all of us among the most. Thank you. Sweet Georgia Brown était ici ce soir au Millennium de l'île d'Abo pour la 100e du Blues Café Live. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. On remercie Manu de nous avoir amené Sweet Georgia Brown des États-Unis pour fêter cette 100e. Merci beaucoup. On remercie toute l'équipe du Millennium. On remercie Laurent Forcheron qui est à la réalisation technique de cette émission. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, www.bluesactu.com. Et on rend la scène à Manu Lanvin qui va, avec Sweet Georgia Brown, vous faire un dernier titre.